B. 1. Et si on s'en allait au Maroc? 2. Dommage, j'ai pris rendez-vous avec un copain. Désolé. 3. Ça te dirait d'aller au cinéma? 4. Tu voudrais aller au restaurant ce soir? 5. Je ne suis pas là ce week-end, je ne peux pas. 6. T'as pas envie d'aller à la piscine cet après-midi? 7. Dis, si on se faisait une soirée DVD? 8. Désolé, je n'ai pas le temps.